Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples, mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire paraîtra sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur qui se lèvera sur toi. Élève tes yeux à l'environ, et regarde, tous ceux-ci se sont assemblés, ils sont venus vers toi, tes fils viendront de loin, et tes filles seront nourries par des nourriciers, et t'emportés sur les côtés. Alors tu verras, et tu seras éclairé, et ton cœur s'étonnera, et s'épanouira de joie, quand l'abondance de la mer se sera tournée vers toi, et que la puissance des nations sera venue à toi. Une abondance de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian et d'Épha, et tous ceux de Séba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Toutes les brebis de Kédar seront assemblées vers toi, les moutons de Nébajot seront pour ton service, ils seront agréables étant offerts sur mon autel, et je rendrai magnifique la maison de ma gloire. Quels sont ces volets, épaisses comme des nuées, qui volent comme des pigeons à leur trou? Car les îles s'attendront à moi, et les navires de Tarsi les premiers, afin d'amener tes fils de loin, avec leur argent et leur or, pour l'amour du nom de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, parce qu'il t'aura glorifié. Et les fils des étrangers rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront employés à ton service, car je t'ai frappé en ma fureur, mais j'ai eu pitié de toi au temps de mon bon plaisir. Tes portes aussi seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni nuit ni jour, afin que les forces des nations te soient amenées, et que leur roi y soit conduit. Car la nation et le royaume qui ne te serviront point, périront, et ces nations-là seront réduites en une entière désolation. La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, l'orme et le buis ensemble, pour rendre honorable le lieu de mon sanctuaire, et je rendrai glorieux le lieu de mes pieds. Même les enfants de ceux qui t'auront affligé, viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te méprisaient, se prosterneront à tes pieds, et t'appelleront, la ville de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu as été délaissé et haï, tellement qu'il n'y avait personne qui passa parmi toi, je te mettrai dans une élévation éternelle, et dans une joie qui sera de génération en génération. Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, et ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Je ferai venir de l'or au lieu de l'airain, et je ferai venir de l'argent au lieu du fer, et de l'airain au lieu du bois, et du fer au lieu des pierres, et je ferai que la paix te gouvernera, et que tes exacteurs ne seront que justice. On n'entendra plus parler de violence en ton pays, ni de dégâts, ni de calamités en tes contrées, mais tu appelleras tes murailles, salut, et tes portes, louange. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus, mais l'Éternel te sera pour lumière éternelle, et ton Dieu pour ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car l'Éternel te sera pour lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil seront finis. Et quant à ton peuple, ils seront tout justes, ils posséderont éternellement la terre, savoir, le germe de mes plantes, l'œuvre de mes mains, pour y être glorifiés. La petite famille croîtra jusqu'à 1000 personnes, et la moindre deviendra une nation forte. Je suis l'Éternel, je hâterai ceci en son temps.